Deutéronome chapitre 14, vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Ne vous faites aucune incision, et ne vous rasez point entre les yeux pour aucun mort. Car tu es un peuple saint à l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi d'entre tous les peuples qui sont sur la terre, afin que tu lui sois un peuple précieux. Tu ne mangeras d'aucune chose abominable. Ce sont ici les bêtes à quatre pieds dont vous mangerez, le bœuf, ce qui naît des brebis et des chèvres, le cerf, le daim, le buffle, le chamois, le chevreuil, le bœuf sauvage, et le chameau pard. Vous mangerez donc d'entre les bêtes à quatre pieds, de toutes celles qui ont l'ongle divisé, le pied fourché, et qui ruminent. Mais vous ne mangerez point de celles qui ruminent seulement, ou qui ont l'ongle divisé et le pied fourché seulement, comme le chameau, le lièvre, et le lapin, car ils ruminent bien, mais ils n'ont pas l'ongle divisé, ils vous seront souillés. Le pourceau aussi, car il a bien l'ongle divisé, mais il ne rumine point, il vous sera souillé. Vous ne mangerez point de leur chair, même vous ne toucherez point à leur chair morte. Vous mangerez de ceci d'entre tout ce qui est dans les eaux, vous mangerez de tout ce qui a des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez point de ce qui n'a ni nageoire ni écaille, cela vous sera souillé. Vous mangerez tout oiseau net. Mais ce sont ici ceux dont vous ne mangerez point, l'aigle, l'orfraie, le faucon, le vautour, le milan, et l'autour, selon leur espèce, et tout corbeau, selon son espèce, le chat-huant, la hulotte, le coucou, et l'épervier, selon son espèce, la chouette, le hibou, le cygne, le cormoran, le pélican, le plongeon, la cigogne, et le héron selon leur espèce, et la huppe, et la chauve-souris. Et tout reptile qui vole vous sera souillé, on n'en mangera point. Mais vous mangerez de tout ce qui vole, et qui est net. Vous ne mangerez d'aucune bête morte d'elle-même, mais tu la donneras à l'étranger qui est dans tes portes, et il la mangera, ou tu la vendras au forain, car tu es un peuple saint à l'Éternel ton Dieu. Tu ne bouilliras point le chevreau au lait de sa mère. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le rapport de ce que tu auras semé, qui sortira de ton champ, chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, les dîmes de ton froment, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Mais quand le chemin sera si long que tu ne les puisses porter, parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, pour y mettre son nom, sera trop loin de toi, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu les convertiras en argent, tu serreras l'argent en ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et tu emploieras l'argent en tout ce que ton âme souhaitera, soit gros ou menu bétail, soit vin ou cervoise, et en toute autre chose que ton âme désirera, et tu le mangeras en la présence de l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu n'abandonneras point le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a point de portion, ni d'héritage avec toi. Au bout de la troisième année, tu tireras toutes les dîmes de ton rapport de cette année-là, et tu les mettras dans tes portes. Alors le Lévite qui n'a point de portion ni d'héritage avec toi, et l'étranger, l'orphelin, et la veuve qui sont dans tes portes, viendront, et ils mangeront, et seront rassasiés, afin que l'Éternel ton Dieu, te bénisse en tout l'ouvrage de ta main auquel tu t'appliques.